monte tout à rage. Laisse aller, laisse aller. Quand il faut tout payer, oh, quand il faut tout donner, oh, laisse aller, laisse aller. Quand il te pousse dans la cage, quand il faut tourner la page, laisse aller, prends ma main, et viens, laisse aller. Laisse aller.